boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'est un Sting très altermondialiste, pour ne pas dire musique du monde, qui ouvre notre 188e Pop and Rock Desert Rose, chanté je crois bien avec le dénommé Cheb Mami. Ce soir, notre Pop and Rock sera consacré pour sa première partie à des groupes qui vont certainement faire plaisir à ma frangine, des trucs que vous connaissez, de Massive Attack à Paul Young en passant par autre Mister Mister. Par contre, la seconde partie ce sera des one shots. Qu'est-ce que c'est ? C'est des groupes qu'on a passé très peu, voire une seule fois dans Pop and Rock dans nos 187 premiers numéros, de Trip Tides à West End Motel. En tout cas, moi, je prends du plaisir à vous présenter comme chaque lundi entre 17h et 18h, Pop and Rock, les petits enfants du rock.

Seal, les sons Crazy avaient donc animé les années 90. Par contre, dans les années 80, nous, on s'éclatait avec des doses de grands bretons. Et parmi eux, il y avait un drôle de mec, un gars qui paraissait tout sage, qui chantait « Come back and stay », ça vous parle ? Paul Young. Satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay? I was trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back. Tout à l'heure, en intro de Pop and Rock, j'évoquais les One Shot. Vous savez, ces groupes qui font un tube, mais alors un tube planétaire et qui disparaissent derrière. On va écouter tout de suite Cutting Crew et on enchaînera avec, rappelez-vous, Mister Mister. I keep looking something you said. I just died in your arms tonight. Pop and Rock, les petits enfants du rock sont dans la nostalgie. Thank you. Mister Mister avec Broken Wings précède donc la non-one shot, puisque elle a une vraie carrière, Alanis Morissette avec Thank You. Et en seconde partie, ne partez pas, on va revenir au 21e siècle. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them transparent dangling carrots? How about that ever elusive kudo? Thank you, India. Thank you, Tabor. Thank you, Selesian Met. Thank you. Vous êtes toujours bien calé dans Pop and Rock sur la trail locale RVR. Et si je vous ai promis un saut dans le 21e siècle, j'ai un petit peu triché, puisque Lenny Kravitz, qui arrive tout de suite, a pompé la majorité de ses solos guitares dans les années 70. On écoute là-haut Lenny Kravitz. Know that I am plain to see, yeah, yeah. always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Après le Lenny Kravitz qui pue les années 70, on va foncer maintenant vers The Choral, groupe qu'on a écouté de temps en temps dans Pop and Rock, mais jamais avec le morceau que je vous propose ce soir. Un petit air des années 70 encore, Arabian Sand, The Choral. Arabian Sand, feel it slipping through your hand. Arabian Sand, Arabian Sand, a madness you can't understand. Arabian Sand. In the desert, look out behind you, the madman's in the desert, looking to find you, the madman's in the desert, promise a future, the madman's in the desert, looking to shoot you down in the desert, madman's in the desert, the madman's in the desert, the madman's in the desert. Arabian sand, feel it slipping through your hands. Arabian sand, Arabian sand, swear an oath and take the stand. Arabian sand. you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Can you dance with the lepers in the madman's house? Je vous ai collé un troisième titre qui pue les années 70, pourtant avec un groupe de Triptide qui est bien des années 2000. C'était Let It Go qui précède à présent West End Motel avec Tiny Man. Just a tiny man living in a home. Don't you think it's wrong? I think that something could be wrong. Can I be just a tiny man about the size of a grain of sand? Don't you think something could be very wrong? Just a tiny man, please put me in your pocket, man. Please let me home. Please don't you leave me alone again. La musique et le rock plus précisément sont emplis de groupes qui nous, comment dire, qui nous gonflent, qu'on n'aime pas, qui n'ont aucune originalité. Et de temps en temps, on tombe sur des supernovas, des comètes. C'est le cas du dénommé Westerman, surtout lorsqu'il chante Colors. Tough love, Edison, still they say these light bulb moments really come your way. Maybe it's the wrecking ball, maybe it's the Adderall rush, maybe it's just that I needed to feel I was needed after all. If only I could wait for it, if only I could wait for it. Bring me another name, bring me another name for that. Headed for the play, headed for the play. I regret this, it's written all over my face. I'm headed for the play, and I want it all. Yes, I want it all. They say pride comes before a fall. Well, I can almost taste it. If only I could wait for it. If only I could wait for it. Bring me another name. Bring me another name for that. If only I could wait for it. Trading on your faith a bit. Bring me another name. Bring me another name for that. Oh, I read Baldwin every morning. At least I pretend to. Isn't that the same? I read Baldwin every morning. At least I pretend to. Isn't that the same? I read Baldwin every morning. At least I pretend to. Isn't that the same old top line? Edison. Maybe it's the wrecking ball. Maybe it's the Adderall rush. Maybe it's just that I needed to feel I was needed after all. Maybe it's just that I needed to feel I was needed after all. After all. After all. Et ouais les gars, dans Pop and Rock, il y a rock, donc il y a U-Miatics. Girl, you know I see ya. Allez, il est bientôt l'heure de se quitter. Notre Pop and Rock sur le 104.6 va toucher à sa fin. Et vous le savez peut-être, si vous suivez nos émissions, on adore le rock, surtout quand il est joué par des filles. C'est le cas de Sister Kinney. Alors, c'est pas du tout le nom des filles, c'est le lieu dans lequel les deux chanteuses se sont rencontrées. On va donc se quitter avec un morceau, Shadowtown. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bis à tous.